Bonjour mademoiselle. Bonjour. Je cherche un beau cadeau pour ma femme et moi. Eh bien, je vous propose deux formules carrées 4G de SFR. Ah mais vous me gâtez. Mais c'est pas fini. Avec vos deux forfaits 4G, on vous offre la box de SFR. Attendez, vous voulez dire que tous les mois je ne paierai plus mon abonnement à la box, mademoiselle? C'est ça, tant que vous gardez vos deux forfaits 4G. Ah oui mince, il faut que je reste avec ma femme. À Noël avec SFR, offrez plus que la 4G. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 22 décembre 2013, sous réserve d'éligibilité. Remise de 29,99€ par mois. Détails sur sfr.fr. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il y a 60 ans, à Dien Bien Phu, l'élite de l'armée française se retrouvait piégée dans la cuvette de Dien Bien Phu. Pour l'occasion, le Figaro Histoire, dans son numéro de décembre et janvier, consacre un grand dossier à cet événement tragique. Franck Ferrand l'a parcouru. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je l'ai parcouru, je l'ai même lu avec passion, car il est remarquablement conçu, ce dossier Dien Bien Phu. Je vous propose d'abord de vous rafraîchir un peu la mémoire, après quoi je recevrai Michel de Gégère, le directeur de la rédaction du Figaro Histoire, et notre historien militaire attitré, préféré, Patrick de Gmeline. Et pendant toute cette semaine, vous consacrerez la rubrique Retour aux origines, aux traditions de Noël. Oui, je pense que cette saison, oui, non? Alors pour commencer, aujourd'hui, je vais répondre à la question de François sur les origines du sapin de Noël et de la crèche. Il faut commencer par les incontournables. Vous savez que même à Dien Bien Phu, il y avait des sapins de Noël. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Soixante ans après, quand on prononce le nom de Dien Bien Phu, nombreux sont ceux, témoins directs ou indirects, qui ont encore la chair de poule. Je crois que si le mot traumatisme a un sens, c'est bien ce dont il s'agit. Dien Bien Phu reste un traumatisme pour beaucoup. Égarement et sacrifice, écrit François Dorcival en tête du dossier anniversaire du Figaro Histoire. Égarement d'une stratégie militaire, sacrifice de quelques-uns des plus beaux bataillons de l'armée française. Alors je précise tout de suite que je vais envisager les choses du point de vue français. Il serait sans doute intéressant de connaître aussi le point de vue du Viet Minh et du général Giap qui est mort il y a deux mois. Mais j'aimerais mettre en avant un témoignage capital sur Dien Bien Phu, celui de la seule femme qui se soit retrouvée piégée dans la fameuse cuvette, à savoir la convoyeuse de l'air Geneviève de Galard, que j'avais eu la chance de recevoir à ce même micro il y a exactement 10 ans. Vous voyez, j'en bafouille. Avant d'entrer dans le détail d'une situation terrible, laissez-moi peut-être vous rappelez le contexte de tout cela. Nous sommes donc en 1953, autant dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La France a subi le choc épouvantable de la défaite et de l'occupation qu'elle essaie de diluer dans le souvenir exalté de la résistance, de la victoire alliée et de la libération. Dans ces années d'après-guerre, la fierté nationale est à vif et sans doute par compensation, les Français se raccrochent à une image idéalisée de la France et notamment de la France d'outre-mer. Or, la plus mythique des colonies françaises, la lointaine Indochine, connaît depuis 1945 des tensions très fortes. La vague d'indépendantisme qui atteint à cette époque, on peut dire, l'ensemble des empires coloniaux, ça n'est pas réservé à la France, bien entendu, cette vague prend en Extrême-Orient un tour dramatique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 1945, l'autorité de Paris a été sapée à Hanoï et à Saïgon par les Japonais, ce qui a favorisé les déclarations d'indépendance de différents peuples indochinois. Les communistes locaux en ont profité pour prendre le pouvoir avec la bénédiction de l'Union soviétique. Or, en décembre 1946, après l'échec des conférences de conciliation et le bombardement de Haïphong par les Français, le leader révolutionnaire Ho Chi Minh décide de relancer les hostilités contre la présence française qui vient d'être rétablie sous l'égide du général Leclerc. Au début de la décennie 50, le conflit prend une dimension internationale parce que la Chine communiste se met à aider Ho Chi Minh sur fond de guerre de Corée, qu'il ne faut pas oublier bien entendu. Du point de vue militaire, les généraux Delattre puis Salan sont parvenus à pacifier le delta du Mékong. Salan notamment est un amoureux de l'Indochine française, seulement Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'à Paris, le gouvernement, ou plus exactement les gouvernements successifs de la 4e République, ont déjà fait leur deuil de l'empire colonial. Eux ne cherchent plus qu'à négocier avec les Indochinois, qu'on va bientôt appeler les Vietnamiens, et du coup, ils auraient plutôt tendance à se méfier de l'état-major militaire. Vous voyez un peu l'ambiance, si je puis dire. C'est dans cette optique que le président du Conseil, René Maillère, nomme au commandement général un grand patron qui est connu pour son espèce de froideur imperturbable, le général Navarre. Navarre a bien compris qu'on ne lui demande pas en Indochine d'aller gagner une guerre, simplement de placer la France dans la meilleure position possible en vue d'une sortie honorable, comme diraient les diplomates. Son plan dès lors est simple, position défensive au nord, la région la plus difficile à tenir évidemment, et nettement plus offensive au sud, afin de reconstituer les forces françaises en attendant la suite. Seulement, de leur côté, les stratèges du Viet Minh, avec donc à leur tête ce fameux général Giap qui vient de décéder, décident dès 53 de faire remonter vers le nord-ouest une très grosse division armée, ce qui va fragiliser les maquis français de la haute région et qui fait peser un danger sur le Laos, qui justement vient d'intégrer cette sorte de Commonwealth à la française, qu'on appelle l'Union française. Navarre est donc forcé de réagir, d'où cette idée de l'opération Castor, qui vise à créer un vaste camp retranché en pays thaï, à la frontière laotienne, au cœur d'une région cruciale pour l'accès au Laos. Ce sera, vous l'avez compris, Dien Bien Phu. Alors, disons-le, stratégiquement, c'est un choix qui, à l'époque, a l'air tout à fait normal et même évident. C'est le général Salan qui, face à un ennemi insaisissable, avait mis au point cette espèce de système des camps retranchés aéroterrestres dont le but était de fixer l'adversaire et de le neutraliser, plus ou moins. C'est en tout cas ce qui avait très bien réussi à Nassan. Sauf que cette fois, on observe tout de suite une divergence entre la conception du général Navarre, qui reste une conception purement défensive, vous l'aurez compris, et celle nettement plus offensive du commandant de la région, le général Cogny, surnommé le baron du Delta, ou par certains Coco la sirène à cause des sirènes hurlantes qu'il faisait mugir autour de sa voiture quand il était en déplacement. Surtout, et ça c'est l'essentiel, l'installation des Français à Dien Bien Phu repose sur des analyses erronées de la part des services de renseignement, ce qu'on appelle le deuxième bureau. À en croire les agents français, le Viet Minh ne pouvait disposer dans la région de plus de 2 divisions, ni de canons supérieurs à 75 mm, ni de munitions pour plus de 6 ou 7 jours, disons une semaine. Vu de Saïgon, Dien Bien Phu devait donc être un simple ancrage, si vous voulez, et un camp d'importance au départ, d'importance secondaire. Toute l'attention du général Navarre à l'époque est concentrée sur la grande opération Atlante qu'il prépare pour le sud du Vietnam. C'est toujours intéressant de se remettre, encore une fois, dans l'esprit des gens de l'époque. On a oublié tout ce contexte, évidemment. Et pourtant, c'est fondamental. Car en fait, le Viet Minh va faire porter sur Dien Bien Phu son principal effort, avec 4 divisions qui seront constamment renouvelées, 24 canons de 105, des stocks effrayants de munitions acheminés par quelques 700 camions, des camions fournis par les soviétiques, et qui empruntent la route de Lang Son, remise en état pour l'occasion dans des conditions qui d'ailleurs sont stupéfiantes. Ce qu'ont accompli les soldats Viet Minh à cette époque est tout à fait incroyable. Si tant est qu'on puisse dire soldats d'ailleurs, parce que toute la population s'y mettait. Comme on dirait aujourd'hui, l'état-major français avait tout faux. En vérité, il était en train d'entraîner toute l'élite de l'armée française dans ce qui allait devenir un véritable cauchemar. Chaturian sur Europe 1, un extrait du ballet Spartacus. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la bataille de Dien Bien Phu. Mais alors, ce site de Dien Bien Phu, à quoi ressemble-t-il? Ben, c'est une cuvette naturelle qui fait 18 km de long sur 7 de large, donc quand même une vaste plaine, si vous voulez, avec serpentant au milieu un modeste affluent du Mekong qu'on appelle la Nam Yum. Disons-le, ça ressemble quand même à s'y méprendre à un piège, cette histoire. Bien sûr, le site est dégagé au centre et permet l'installation d'une piste d'aviation assez satisfaisante. Quant aux crêtes qui font le tour et que recouvre une végétation tropicale, elles ont l'air comme ça, a priori, d'être trop éloignées pour abriter des positions d'artillerie et surtout trop visibles pour ne pas exposer d'éventuelles batteries à des ripostes massives. Bon, d'accord, admettons. Seulement, les Français n'avaient pas prévu qu'ils allaient se retrouver face à des batteries Viet Minh dissimulées dans des galeries creusées sur les pentes du vallon. Et que les divisions galvanisées par Giap, soutenues par les Chinois, qui à l'époque sont maintenant libérés de la guerre de Corée, équipées, comme je vous l'ai dit, et notamment avec un fort appui soviétique, que toutes ces divisions vont se révéler en fait 10 fois plus puissantes que prévu. Et encore, je dis 10 fois, nous allons voir ce qu'il faut en penser, peut-être davantage. Bref, face aux 12 000 Français maintenant coincés dans cette plaine, ce sont au bas mot quelques 60 000 soldats du Viet Minh qui fourbissent leurs armes. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'aucune voie terrestre ne permet aux Français de ravitailler la cuvette. C'est pour ça qu'on parle de position aéroterrestre. Pire que ça, les 650 km de pont aérien qui relient Dien Bien Phu aux bases d'Hanoï mettent la plupart des avions aux limites de leur rayon d'action. C'est vous dire un peu la marge de manœuvre qu'ont les pilotes. Pour dire les choses encore plus clairement, les soldats d'élite de l'armée française vont bientôt être encerclés, loin de leur base, par une armée surmotivée qui va les pilonner nuit et jour sans limite de moyens. Vous comprenez pourquoi, dès le mois de décembre 53, il y a donc 60 ans, la situation se révèle là-bas totalement alarmante. Alors, disons-le clairement, les Français de métropole ne sont pas tellement concernés, a priori, par cette affaire. Et d'abord, il faut dire que dans l'Hexagone, il fait un froid de gueux en cet hiver 53. Les journaux, et 54, on se le rappelle, hein, les journaux ne parlent que de la CED, la Communauté Européenne de Défense, qui agite à l'époque les esprits. Et puis par ailleurs, l'affaire Dominici captive l'opinion. Quant aux Parisiens, ils se précipitent au Théâtre de la Madeleine pour applaudir Hélène ou la joie de vivre d'André Roussin. Vous comprenez, c'est loin l'Indochine, c'est très loin. Et Dien Bien Phu est tellement coupé du monde. Comment est-ce qu'on devinerait l'enfer que sont en train de vivre au même moment des milliers d'hommes, et je dis des milliers d'hommes, mais je devrais ajouter, et une femme? Parce que le moment est venu de vous présenter un peu Geneviève de Galard. Elle a 28 ans à cette époque. Avec son sourire engageant et ses beaux yeux bleus, elle fait partie des jeunes filles de bonne famille qui, sous l'égide de la duchesse de Guyancourt, constituent le corps des convoyeuses de l'air. Leur rôle essentiel, c'est d'aider en tant qu'infirmière à l'évacuation par voie aérienne des blessés et des malades en opération. À Dien Bien Phu, les combats ont commencé le 13 mars 1954 au soir, et tout de suite, les Français ont été frappés de stupeur car ils ont découvert l'incroyable puissance de feu du Viet Minh et l'efficacité de son offensive. Dès le 15 mars, les deux positions du nord, qu'on appelle Béatrice et Gabriel, sont prises par des assauts d'infanterie menés à 12 contre 1. Alors, vous ne vous étonnez pas, un des noms des positions, les militaires ont eu l'idée de donner à chacune un prénom féminin. Il y a donc Béatrice, Gabriel, mais aussi Dominique, Eliane, Huguette, Claudine, Françoise, etc. C'est un peu étrange, mais c'est ainsi. Le 14 et le 16 mars, des avions français larguent en renfort des bataillons parachutistes, dont celui du fameux commandant Bijard, qui finira cette campagne en tant que colonel. Mais ça ne suffit pas à remonter le moral d'un commandement très abattu. On a à l'époque un chef d'état-major qui va tomber en dépression, le commandant de l'artillerie qui se suicide, et j'en passe. C'est à la hargne extraordinaire du lieutenant-colonel anglais que la défense de Dien Bien Phu doit d'avoir tenu lors de cette première grande offensive Viet Minh. Il n'empêche, pour Giap, l'objectif de la première phase est atteint. Dès le 17 mars, le pont aérien du camp retranché est rompu, ce qui n'empêche pas quelques avions, notamment sanitaires, de tenter leur chance. Et Geneviève de Galard en fait partie. Hein. Dès son arrivée en Indochine en janvier 54, son retour en fait, parce qu'elle y était déjà avant, elle effectue des missions à Dien Bien Phu, et le 28 mars, son destin bascule. À ce moment-là, on est un peu dans l'image de ce qui se passait en 14-18, hein, puisque le Viet Minh de son côté fait des tranchées qui s'approchent de plus en plus du dispositif français, donc on va vers une guerre de position, ou en tout cas, puisqu'on est dans une cuvette, vers une asphyxie assez engagée. angoissante. Donc le 24 mars 54, à 6h moins le quart du matin, l'avion de Geneviève de Galard, un Dakota, se pose à Dien Bien Phu. Il se pose dans des conditions extrêmement difficiles. D'ailleurs, il va finir par heurter un ensemble de fils barbelés. Le réservoir d'huile est atteint. L'avion ne peut pas redécoller. Il sera bientôt incendié par les soldats Viet Minh. Et voilà comment Geneviève de Galard se retrouve avec tous ses hommes dans cette cuvette de Dien Bien Phu. Impossible de décoller puisque cet avion est le dernier qui aura atteint Dien Bien Phu. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la bataille de Dien Bien Phu et à Geneviève de Galard. Et oui, alors j'aurais aimé vous parler un peu plus en détail de Geneviève de Galard et de sa mission, mais je vois que les minutes passent. Alors sachez évidemment qu'elle va proposer son aide au médecin commandant Grosvin et elle va apporter à tous ses blessés une sorte de soutien quasiment maternel. Elle sera d'ailleurs nommée légionnaire de première classe d'honneur et dans son livre, son beau livre de souvenirs, beaucoup plus tard, elle dira « J'avais alors la certitude d'être considérée comme une des leurs ». Elle a cru pendant un temps qu'elle allait pouvoir repartir, Geneviève de Galard, mais évidemment, il n'y a jamais eu de prochain avion. Or, le 30 mars au soir, Giap en personne lance une deuxième vague d'offensive contre Dominique 1 et 2, Eliane 1 et 4, puis 2. Ce sont quelques 12 000 hommes qui prennent d'assaut les positions françaises, défendues par 2 000 soldats à peine. La piste d'aviation là est complètement détruite, donc plus du tout d'espoir d'être ravitaillé ni évacué. Bien sûr, les défenseurs ne restent pas bras croisés face au pilonnage d'artillerie et aux assauts d'infanterie. 3 bataillons parachutistes, notamment commandés par Bijard, vont reprendre Dominique 2, Eliane 1, d'une manière héroïque, avant d'être obligés de s'en retirer. Dit comme ça, vous savez, ça pourrait paraître une péripétie. Il faut jamais perdre de vue la somme de souffrance, d'horreur que ce mot héroïque peut parfois recouvrir. Dans une garnison qui perd entre 100 et 120 hommes par jour, les blessés très nombreux sont conduits jusqu'à l'hôpital souterrain du docteur Grosvin pour recevoir tous les soins possibles. De son côté, le général Giap, après s'être attaqué au nord, puis à l'est des lignes françaises, va maintenant faire porter l'effort de ses hommes sur les positions ouest. Ça veut dire 2 jours entiers de combats ultra-violents qui infligent des pertes sévères aux Viet Minh, mais qui ne s'en soldent pas moins par un nouveau repli des Français qui vont devoir abandonner le poste Huguette 7. Du moins, cette résistance extraordinaire a permis de calmer un peu Giap, qui revient à sa tactique première, qui était cette tactique, vous savez, d'encerclement et d'étouffement progressif. Les Français parachutent 2 derniers bataillons parachutistes au-dessus d'une zone de plus en plus étroite, puis, dans une démonstration de solidarité et de camaraderie hors du commun, ce sont quelques 700 volontaires qui seront encore parachutés, alors qu'ils ne sont même pas eux-mêmes parachutistes. Hein. Vous savez que pour certains d'entre eux, c'était tout simplement, et même pour nombre d'entre eux, c'était la première fois qu'il sautait comme ça dans le vide. Pour autant, l'état-major français manque de moyens pour secourir Dien Bien Phu, de moyens et d'initiative. Dites-vous par exemple que rien, absolument rien n'a été tenté contre la fameuse route de Lang Son, qui est la route par laquelle le Viet Minh se ravitaille. Ça paraît incroyable, mais c'est ainsi. Sur place, dans ce qu'on appelle la cuvette. C'est une guerre de position donc qui s'est installée. On appellera d'ailleurs un jour Dien Bien Phu le Verdun de l'Asie. Sauf que les combattants valides, dans la poche sans cesse resserrée, ne sont plus que 3000 à la fin du mois d'avril. Les malheureux aimeraient bien tenir jusqu'aux grosses pluies de la mousson. Seulement leur situation, disons-le, est désespérée. Au soir du 6 mai, Giap lance un ultime assaut contre les 3 points d'appui d'Eliane et le 7 à midi, une ultime sortie est tentée par les Français. Elle a pour nom de code Albatros. Cette fois, c'est bel et bien la position centrale qui se trouve exposée directement. Disons-le, on n'est plus très loin de la phase finale. Les combats se livrent à ce moment-là au corps à corps. À 17h, c'en est fini. Les hommes n'ont plus qu'à détruire leurs armes et les postes radio. Un tout dernier combat a encore lieu au sud, du côté d'Isabelle, qui est très excentré par rapport à l'ensemble des positions. Puis, le silence se fait sur Dien Bien Phu. 17 bataillons ont été anéantis. 10 000 soldats sont faits prisonniers, 3 000 seront rendus à leur famille. Dans la soirée du 7 mai, le général de Castres, qui commandait le camp retranché, donne l'ordre de cesser le feu. C'en est fini de cette résistance héroïque de Dien Bien Phu. C'en est fini symboliquement de la présence française en Indochine, même si c'est pas encore tout à fait le cas. On verra bien entendu ce que tout ça va devenir. C'en est fini des combats seulement. Alors on verra aussi les chiffres hein, de pertes, etc., qui sont très précisément répertoriés dans le Figaro Histoire. Fini des combats, mais ce n'est pas terminé des souffrances pour tous ces hommes, valides ou non, qui sont faits prisonniers par le Viet Minh et qui prennent le chemin de camps de concentration qui n'auront rien à envier en cruauté à ceux des nazis 10 ans plus tôt. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'interviewer beaucoup de ces anciens prisonniers et je peux vous dire que ce qu'ils ont vécu était effroyable. Alors Geneviève de Galard, me direz-vous, eh bien sans doute parce qu'elle est une femme et aussi parce qu'un grand médecin respecté des Vietnamiens est intervenu en sa faveur, elle a été libérée et là elle découvre stupéfaite qu'elle est devenue une célébrité, elle découvre sa popularité non seulement en France mais dans tout ce qu'on appelle à l'époque le monde libre. Le 26 juillet 1954, 2 mois après son retour d'Indochine, elle effectue une visite officielle aux États-Unis à l'invitation du Congrès, alors elle est reçue à la Maison Blanche par le président Eisenhower et surtout New York lui réserve son fameux ticker tape welcome, vous savez, sur Broadway, des millions de confettis s'abattent sur la limousine décapotable, tandis que les New-Yorkais acclament la petite Française héroïque. Geneviève sourit, bien sûr, mais ses pensées, évidemment, sont auprès de tous ceux qui, à ce moment-là, à ce moment même, sont encore prisonniers du Viet Minh. Dans un instant, avec mes invités Michel de Gégère et Patrick de Gmelin, nous allons revenir sur toute cette affaire de Dien Bien Phu et sur ses conséquences politiques, militaires, on pourrait presque dire morales. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film réalisé par Jacques Perrin en 2010, L'Empire du Milieu du Sud. Nous parlons cet après-midi dans Au cœur de l'histoire de Dien Bien Phu avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Michel de Gégère, directeur de la rédaction du Figaro Histoire, dont le numéro 11 est consacré à Dien Bien Phu, et Patrick de Gmelin, historien militaire. Il y a en tout cas, cher Michel de Gégère, un très beau dossier sur Dien Bien Phu dans ce numéro 11 du Figaro Histoire, avec toutes sortes d'aspects, c'est-à-dire les prémices, bien entendu, de la bataille, son contexte, l'analyse de la bataille elle-même et des forces en présence, les dimensions géopolitiques et puis bien sûr tout ce qu'il y a pu y avoir autour de cette bataille. On y parle évidemment de quelqu'un qui ne vous est pas étranger, Patrick de Gmelin, de Pierre Schoendorffer. Hein. Bien sûr. Pierre Schoendorffer, grand cinéaste, grand photographe, disparu lui aussi il n'y a pas si longtemps et qui a joué un rôle très important en filmant sur place tout ce qui s'est passé, en prenant des photos. Malheureusement, ces dernières photos datent, je crois, du 8 mars, mais on ne les a pas, car d'abord, pour une raison qu'on ignore, Schoendorffer n'a pas envoyé ses bobines à développer à Hanoï, et il est parti avec ce secret dans la tombe, on ne sait pas pourquoi, et il en avait gardé quelques-unes sur lui. Malheureusement, il a été fait prisonnier comme tout le monde, et les Viets se sont empressés de saisir ces bobines, si bien que les photos de Dien Bien Phu n'existe pratiquement pas. Il en avait fait des centaines, je pense, mais nous ne les avons pas. Et Schoendorffer, par la suite, a été un cinéaste très important. Et son film Dien Bien Phu, enfin, c'était pas lui qui l'a fait, mais il a joué un rôle très important, a laissé, lors de la première projection, les survivants de Dien Bien Phu, dont Geneviève de Galard, qui étaient tous groupés dans cette projection privée. Le film s'est arrêté. La lumière est revenue, un silence complet, et Geneviève de Galard m'a dit elle-même, et nous pleurions tous, ce qui prouve la qualité et la véracité de ce film. Alors en ce moment, une exposition a lieu au musée de l'armée qui s'appelle Indochine, des territoires et des hommes. C'est, on va dire, le complément nécessaire à la lecture de votre magazine, Michel de Gégère, ou réciproquement, je ne sais pas. En tout cas, on voit grâce à votre anatomie d'une bataille, ça c'est, ce sont quelques pages extrêmement précises et entièrement illustrées de schémas. Il en faut des schémas parce que c'est très complexe cette histoire de Dien Bien Phu. On se rend compte qu'en fait, les Français se fixent là, précisément au tournant fin novembre, début décembre 1953. C'était prévu depuis plus longtemps, mais c'est là que ça commence à se fixer. Et puis alors, la bataille elle-même, le siège de Dien Bien Phu proprement dit, ce sera pour le printemps 54, pour mars seulement. Oui, c'est peut-être ce qui rend cette bataille comparable à aucune autre, c'est que c'est une défaite mais sur un site qui a été choisi par l'armée française, et l'attaque, elle est attendue, elle est désirée. C'est-à-dire que lorsque les Français s'installent, lorsque les Français s'installent en novembre, l'opération Castor à Dien Bien Phu, c'est dans l'espoir d'attirer là le Viet Minh, parce que effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un an plus tôt, le général Salan avait inauguré cette stratégie à Na San, où il avait installé un camp fortifié sur lequel le Viet Minh s'était brisé dans des proportions de 4-1, c'est-à-dire que un soldat français avait repoussé l'assaut de 4 soldats Viet Minh. J'ai pas l'effectif total en tête. Bon, et donc on essaye là, on installe une dizaine de milliers de soldats français, des unités d'élite de l'armée française à Dien Bien Phu, eh bien dans l'espoir que le Viet Minh vienne s'y briser. Et on attend avec impatience l'attaque. On a des témoignages où on dit les soldats disent fait, mais pourvu qu'ils viennent. Et l'erreur tactique, elle repose sur le fait que Dien Bien Phu est conçu en fait comme un porte-avions. C'est un porte-avions au milieu de la jungle. Il est relié à Hanoï par la piste d'aviation. Mais parce qu'on n'imagine pas. Quand même, 650 km. C'est un peu loin. C'est 300 km à vol d'oiseau, mais donc il faut éventuellement. Aller-retour, ça fait 600. Oui, aller-retour, ça fait 600 km. Seulement, ce que les Français n'ont pas prévu, c'est le convoyage de l'artillerie à travers, dans des conditions absolument effrayantes, avec des coulis qui tirent des canons dans la jungle, etc. Le fait qu'ils arrivent à convoyer une artillerie lourde qui permette de menacer cette piste d'aviation, et au bout de quelques semaines, eh bien, le camp va être isolé, et la piste d'aviation étant détruite, eh bien le camp ne pourra être ravitaillé que par largage, que par parachutage, et encore pas forcément parachutage sur la piste, tout ça dans des conditions extrêmement difficiles, et donc c'est un porte-avions qui est privé de ses avions. Et donc effectivement, il y a un retournement de situation tout à fait tragique. Jean-Pascal nous dit sur le site internet d'Europe 1, je me suis rendu en 1997 au Vietnam et j'ai été frappé en me rendant sur le site de Dien Bien Phu qu'on ait pu envoyer au massacre des soldats dans cette cuvette. Les Vietnamiens avaient tout loisir de tirer des roquettes en toute tranquillité de l'autre côté des collines. C'est vrai que le site, le choix de ce site a été extrêmement commenté, c'est le moins qu'on puisse dire, Patrick Duc-Mélin. Il a été très commenté, mais à l'époque il a été aussi approuvé. C'est Navarre qui avait fait son plan, il y croyait fortement. Il avançait un certain nombre de raisons qui ont été admises par le haut commandement. Le seul qui a commencé assez rapidement à montrer son désaccord, et ça a duré ensuite pendant toute la bataille, c'est le général Cogny, qui lui était commandant du Tonkin, qui était plus près du terrain, il faut bien le dire, et qui tout de suite s'est élevé contre le plan et contre son application. Et ça a d'ailleurs joué un rôle important, parce que c'était quand même grave de lancer ce corps expéditionnaire sous un commandement qui, de notoriété publique, ne s'entendait absolument pas. Mais il est vrai que quand on voit cette cuvette, personnellement je n'y suis jamais allé, c'est une cuvette, quelquefois on dit aussi une plaine, disons que c'est une plaine cuvette, et que les collines qui sont tout autour, avec comme vous le disiez une végétation très importante, on allait dire que c'est presque comme dans un mauvais film pour nous, au moment où les canons tirent, on soulève les feuillages qui se feront en fiche de camouflage, les coulis tirent les canons de 105 qui viennent tirer contre les Français, qui lancent des roquettes, et après ça, on les fait rentrer dans les galeries. Tout avait été extraordinairement préparé par Giap, il faut bien le dire, et on ne pouvait absolument pas imaginer, a priori, qu'on allait se trouver devant un tel déferlement de feu. Oui, Dien Bien Phu, c'est d'abord la surprise. Alors, je vais jusqu'au bout du message de Jean-Pascal qui ajoute « Ce qui m'a néanmoins le plus surpris, c'est le récit de cette bataille faite par les Vietnamiens au musée de Dien Bien Phu. Les soldats soldats français y sont félicités constamment pour leur courage, leur héroïsme et la manière dont ils ont livré bataille. Alors, je crois que ceci est tout à fait vrai. Mais d'ailleurs, il y a une espèce de réciprocité. Les Vietnamiens, les Viettes, comme on les appelait, comme on les appelle toujours, ont admiré ces soldats français qui pourtant pour eux étaient des ennemis non seulement militaires mais des ennemis idéologiques, mais qui étaient de grands soldats qui se battaient superbement sans peur du sacrifice. Et inversement, peu à peu et même dès avant la bataille, les soldats français savaient que l'armée de Giappe n'était plus celle du début, qu'elle avait grandement progressé, en grande partie grâce à l'aide technique et des Chinois et des Soviétiques. Mais il y avait une admiration, et cette admiration d'ailleurs s'est un petit peu concrétisée bien plus tard. Personnellement, j'ai toujours été choqué par cette image, je vais peut-être choquer ceux qui l'ont trouvé bien, c'est que Bijard et Giappe se sont revus après la guerre et que Bijard, il me l'a dit lui-même un jour que je l'interviewais sur des corps francs en 39-40 auxquels il a participé, c'était autre chose. Il l'a pris dans ses bras et il l'a félicité. Ils étaient pratiquement amis. Et j'avoue que Giappe et Bijard, en rapport d'amitié, alors que c'était deux chefs ennemis, mais qui s'estimaient sur le plan technique et militaire. Mais ce sont ces fraternités d'armes qu'on ne peut peut-être tout simplement pas comprendre quand on n'a pas été ces combats finalement. Michel de Gégère, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur l'appellation cuvette, vous, en ce qui vous concerne. Eh bien, parce que en fait, je me réfère à une revue militaire vietnamienne qui, en 1965, écrivait ceci: Dien Bien Phu n'est une cuvette que pour ceux qui disposent d'avions, de véhicules motorisés, d'artillerie à longue portée. Pour des gens qui vont à pied, et on croyait que c'était le cas du Viet Minh, c'est bien une vaste plaine longue de 18 km, large de 6 à 8, dont l'accès n'est guère facile. Les crêtes qui l'environnent dépassent souvent 1000 mètres. Comment amener par-dessus les cimes canons et vivres? Comment faire dévaler les vagues d'assaut sur des pentes intérieures et progresser ensuite en terrain plat sans se faire décimer par les grosses pièces et les avions de l'adversaire confortablement installés dans la plaine? Ça, c'est la vue qu'avait le commandement français avant le début de l'opération. Et encore une fois, Dien Bien Phu est devenu une cuvette à partir du moment où la piste d'aviation a été inutilisable. Oui, ça, parce que, et ça change tout. Et donc, l'erreur tactique, c'est l'erreur d'avoir pensé que le Viet Minh ne pourrait pas acheminer d'artillerie lourde. Et c'est ça qui a changé complètement la phase de la bataille. Et c'est pour ça que 3 jours après le début de la bataille, le colonel Pirotte, qui avait garanti qu'il était impossible d'amener une artillerie lourde sur les crêtes autour de Dien Bien Phu, eh bien, s'est suicidé. Parce que c'est son erreur qui est à l'origine, quand même, du retournement militaire de la situation. Oui, ça, c'est une erreur d'appréciation. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont vous parlez de Dien Bien Phu. Je me rends compte que ce sujet est en train d'entrer dans l'histoire, en quelque sorte. Pour l'avoir beaucoup étudié il y a 20 et quelques années, on était encore dans quelque chose qui touchait presque à l'actualité d'une certaine manière. Et pour le 50e anniversaire il y a 10 ans, et Bijard et Giappe étaient encore de ce monde. Tous les deux de nos jours ont disparu et on est en train peu à peu d'entrer dans un sujet d'histoire. Alors, ce sujet d'histoire, nous allons le contextualiser comme on dit, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir comment on en est arrivé là, pour quelles raisons et surtout quelles ont été les conséquences de Dien Bien Phu. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de Dien Bien Phu avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Michel de Gégère, directeur de la rédaction du Figaro Histoire, qui consacre un dossier à Dien Bien Phu dans le numéro 11 qui est actuellement en kiosque, et puis Patrick de Gmelin, historien militaire. Alors, je voulais vous demander, Michel de Gégère, dans quel contexte tout ça intervient? Parce que je l'ai dit en quelques mots tout à l'heure dans le récit, mais je pense qu'on ne comprendrait rien à Dien Bien Phu, en particulier d'une façon plus générale à ses opérations en Indochine, si l'on ne comprend pas ce qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire cette espèce de guerre froide, hein, c'est l'affrontement total entre l'Est et l'Ouest, déjà. Et alors ça pèse énormément sur Dien Bien Phu, parce qu'en France d'abord, on trouve que cette guerre lointaine coûte cher. Le slogan qui circule, c'est que cette guerre coûte 1 milliard par jour. Alors bien sûr, les ça Américains... Ça nous rappelle d'autres périodes. Dans le cadre du conflit Est-Ouest, de la guerre froide, les Américains aident à ce financement, mais en même temps, les Américains voudraient intervenir, voudraient prendre le commandement, puisqu'ils les financent, voudraient prendre le commandement des opérations. Et les gouvernements français qui se succèdent voudraient avoir l'argent, mais voudraient garder quand même la maîtrise des choses. Ça donne un commandement un petit peu flou, et c'est cela qui débouche d'ailleurs sur le rappel de Salan, puisqu'on estime que Salan est trop défensif et que les Américains voudraient des succès rapides parce qu'ils veulent bien financer, mais ils ne veulent pas financer à fond perdu, d'autant que l'Amérique est proche de la banqueroute. Elle trouve que son effort de guerre, d'après-guerre, l'effort qu'elle consent à la défense de l'Europe, l'effort qu'elle consent au containment des Américains, lui coûte trop cher. Elle voudrait que l'Europe mette en place la communauté européenne de défense. On est dans dans ces années-là. Et dans le cadre de la mise en place de la CED, eh bien, tout le monde souhaite aussi que les Français rapatrient une grande partie de leurs troupes en Europe, parce que nous sommes en 1952-53, c'est-à-dire assez peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale, et l'idée de réarmer l'Allemagne sans avoir en contrepartie une armée française très puissante en Europe, eh bien, fait peur. Et donc, pour toutes ces raisons-là, eh bien, les Américains souhaitent une victoire rapide, alors que Salan, lui, a une stratégie défensive d'usure. Et c'est pour ça qu'on le remplace par le général Navarre. Mais le caractère extraordinaire, c'est que le général Navarre, on ne va pas lui donner les moyens de cette offensive. On va lui refuser le budget. Il va présenter un plan qui sera ensuite qui va présenter en secret au gouvernement, qui se retrouvera dans France Observateur, dans la presse, ouais, 15 bon, jours ouais. plus tard. Et en revanche, on ne lui donnera pas les renforts, on ne lui demandera pas les crédits qu'il demande. Et donc, Dien Bien Phu s'inscrit dans ce contexte, c'est-à-dire que c'est un petit peu une demi-mesure, un plan de compromis. Le Viet Minh progresse vers le Laos, on vient de garantir la sécurité du Laos dans le cadre de l'association au sein de la communauté française, etc. Donc il faut protéger le Laos. En même temps, le plan de Navarre, comme vous l'avez dit, c'est plutôt au sud. Et donc on n'est pas dans une situation où on décide souverainement ce qu'on veut faire. On fait le choix entre de mauvaises solutions et on arbitre pour cette solution de Dien Bien Phu qui va se révéler être la plus mauvaise. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'importance considérable de l'appui chinois et accessoirement soviétique. C'est-à-dire qu'en fait, les deux grandes puissances communistes qui sont là aux portes du Vietnam vont aider, bien entendu, Ho Chi Minh et le général Giap. Ça, c'est fondamental. Elles jouent un rôle très important. D'ailleurs, il y a auprès de Giap des conseillers soviétiques et chinois qui jouent un rôle important, des conseillers militaires. Et puis, il y a toute la logistique qui est... On a peut-être les vélos d'origine française et qui ont été modifiés pour porter tout ce qu'ils ont porté. D'ailleurs, ces vélos, on les a appelés, je crois, les taxis de la Marne de Dien Bien Phu. Mais il y a tous les camions qui sont des camions soviétiques. Les armes, les uniformes... 700 camions qui font la Exactement. Navette en permanence. Alors on a mis en avant les vélos, mais il y a effectivement les camions, et puis il y a tout, il y a les uniformes, il y a les munitions. C'est vraiment un affrontement Est-Ouest, avec d'un côté la Chine et l'Union soviétique qui soutiennent bien entendu le Vietnam, et de l'autre côté, ce qu'on pourrait appeler le monde libre, les alliés, avec des Américains qui ne veulent pas s'engager officiellement, alors que Eisenhower est très anticolonialiste, et il voudrait, lui par contre, reprendre la main, et on verra ce qui se passera d'ailleurs après, avec l'intermède de l'Algérie, car n'oublions pas que l'Algérie va suivre. Justement, puisque vous parlez de l'Algérie, Patrick de Guemenin, je crois qu'il est très important d'insister sur l'état d'esprit de l'armée française. On est quand même très peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. Oui. La guerre d'Algérie, évidemment, n'a pas encore éclaté. Ça va pas tarder. La Toussaint 54, c'est pour bientôt. Mais en tout cas, l'armée française est dans une position très particulière et dans un moral très particulier, il faut le dire. Oui, alors... en plus, l'armée française est composée d'une part des appelés qui ne sont pas au Vietnam, qui ne sont pas à Dien Bien Phu, qui vont l'être plus tard en Algérie. Les officiers qui sont d'origine différente, il y a eu l'amalgame fait par le général Delattre, qui a fait qu'on a intégré un grand nombre de soldats et d'officiers qui étaient des résistants à l'origine, des maquisards, qui n'avaient pas du tout la formation professionnelle des officiers d'actifs. Et ils ont à la fois été les vaincus de 40, puis les vainqueurs avec les alliés en 45. Maintenant, il y a l'Indochine où ça se passe mal et qui se termine par une défaite. Et beaucoup se doutent qu'on va aller autre part après, notamment les légionnaires. Et effectivement, ça sera l'Algérie. Et pour ces hommes, c'est quelque chose d'autant plus dur qu'ils ne se sentent absolument pas soutenus par la métropole. On l'a dit à plusieurs reprises, il faut le répéter. Cette guerre d'Indochine et notamment Dien Bien Phu laisse complètement indifférent la France qui sort de la guerre, qui en a assez de cette guerre. Et en plus, il y a aussi un contexte politique orienté à gauche, il faut bien le dire, donc beaucoup d'intellectuels notamment soutiennent le Viet Minh contre la France. Michel de Gégé. Oui, il y a un événement d'une importance considérable dont on n'a pas encore parlé, c'est que alors que l'opération Castor a commencé, alors que l'armée française s'est installée à Dien Bien Phu et avant l'attaque du camp retranché, eh bien, il y a la conférence de Berlin où l'Union soviétique, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne se retrouvent et on décide là d'ouvrir en avril une conférence de la paix dans laquelle on a inscrit la paix en Indochine. Ce qui veut dire que, au moment où la bataille est engagée, eh bien, les politiques sont en train de négocier la paix. Et à partir du moment où cette annonce est faite, eh bien, la Chine, l'Union soviétique vont à fond aider le Viet Minh à mettre toutes ses forces dans la balance de cette bataille qui lui apparaît comme décisive. Alors que, comme vous l'avez dit, dans le camp d'en face, eh bien, c'est tout de même une certaine forme de décision. Les États-Unis soutiennent, mais sans soutenir. Vous avez cette histoire tragique de l'opération Vautour, c'est-à-dire que une demande du gouvernement français qui avait demandé un appui américain pour un bombardement massif autour de Dien Bien Phu, mais alors ils l'ont demandé par oral. Les États-Unis ont dit qu'ils voulaient une demande écrite, et puis s'ils faisaient l'opération, ils voudraient effectivement prendre le commandement de la guerre, etc. Et finalement, eh bien, cette opération, ce bombardement qui aurait pu sauver Dien Bien Phu, eh bien, n'aura pas lieu. Donc je crois que vraiment, la chose à retenir, c'est ce déséquilibre entre l'appui total de la Chine et de l'Union soviétique d'un côté, et le soutien mi-chèvre, mi-chou des États-Unis, comme souvent, dans ce camp allié. Il faut insister peut-être aussi sur la dimension très, très politique des événements. C'est une défaite militaire, Dien Bien Phu, mais c'est peut-être largement aussi une défaite diplomatico-politique. Ou c'est la défaite des hésitations françaises, parce que finalement, les militaires en Indochine ont hérité d'une guerre où les buts de guerre étaient assez flous. On ne savait pas s'il fallait tenir, s'il fallait chercher une porte de sortie honorable, s'il fallait organiser la transition avec une armée vietnamienne indépendante qui fasse elle-même face au Viet Minh. Et donc, on ne savait plus très bien ce que l'armée française était censée faire en Indochine. Et puis, il est très difficile pour des soldats, quel que soit leur rang, de se battre alors qu'ils sentent que le pays n'est pas avec eux. Il y a l'expression de guerre orpheline qu'a utilisée Élie de Saint-Mars. Comme à chaque fois dans vos numéros du Figaro Histoire, il y a un dictionnaire des personnages. On a des petits dessins avec des notices biographiques très bien faites. Alors bien sûr sur Bijard et sur Giap, mais aussi sur le général Cogny, sur le médecin commandant Grosvin, qui a joué un rôle tellement essentiel. Et puis d'une façon plus générale sur les différents intervenants, y compris les journalistes d'ailleurs, qui ont joué, c'est vrai, dans cette affaire un rôle très important. Il y a un personnage qu'on ne peut pas ne pas citer, c'est le héros de votre bande dessinée, évidemment, Patrick de Gmelin, c'est Élie de Saint-Mars. Élie de Saint-Mars, qui lui n'était pas Dien Bien Phu, puisqu'il a été volontaire pour sauter. Il devait sauter, et puis, entre-temps, Dien Bien Phu est tombé, donc il n'y a pas été. Mais Dien Bien Phu, à contrario, puisqu'il n'y a pas été, l'a beaucoup marqué, comme d'ailleurs toute l'Indochine, la guerre qu'il a faite là-bas. Et j'allais dire que ce qu'il a vu en Indochine a dicté de façon très nette ce qui s'est passé pour lui, je dis bien pour lui, en Algérie. Le putsch, pour lui, c'est le refus d'abandonner les Algériens, et notamment les Harkis, parce qu'il avait vu ce qui s'était passé en Indochine. Il l'avait vu de ses yeux vus avec ceux qui nous aidaient. Et puis vous consacrez aussi, ça c'est important, tout un chapitre à ce que vous appelez le purgatoire de l'oncle O. Parce que Patrick de Gmelin parlait il y a un instant de la fraternisation entre Bijar et Giap, mais je crois qu'il y a un certain nombre d'anciens combattants pour qui cette fraternisation n'est pas légitime. Absolument. Compte tenu du fait que les deux tiers des prisonniers ne sont pas revenus. Merci beaucoup à tous les deux. Je renvoie tout le monde donc à ce numéro du Figaro Histoire et puis à l'exposition du Musée de l'Armée. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et cet après-midi, vous répondez, Franck Ferrand, à la question de François, qui nous l'envoyait sur Europe 1.fr, et qui voudrait savoir depuis quand nous avons des sapins de Noël. Alors, vous savez que cette histoire des sapins de Noël nous ramène directement aux origines païennes de cette fête, du Sol Invictus, du soleil invaincu, cette fête du 24-25 décembre, donc au solstice d'hiver. C'était ça, au départ. Il y avait cette vieille fête à laquelle les Celtes déjà associaient l'épicéa à l'époque, vous savez, parce que chez les Celtes, chaque mois était associé à un arbre. Là, en l'occurrence, c'était le sapin, si vous voulez, pour ce qui correspondait plus ou moins au mois de décembre. Donc, au moment où l'on va installer, au 4e siècle, on va instaurer la célébration du Christ le 25 décembre, là, cette nativité, eh bien, évidemment, il y a encore tous ces souvenirs d'anciennes pratiques. Alors, l'arbre de Noël, au sens propre, une légende voudrait que ce soit Saint Boniface qui, pour convertir les Germains, aurait utilisé les chênes déjà autrefois, l'arbre qu'on coupait pour certaines célébrations. Ce qui est certain, c'est que le sapin de Noël, il naît au début du XVIe siècle. On parle d'ailleurs d'arbre de Noël pour la première fois en Alsace en 1521. À l'époque, c'était surtout des branches qu'on mettait ensemble pour décorer l'entrée des maisons. Et puis ça va se répandre toutes ces régions, dans l'Alsace et puis d'une façon plus générale les principautés germaniques, etc. Le premier sapin de Noël fait son entrée à la cour de France à Versailles en 1738, il arrive avec Marie Leczinska, avec l'épouse de Louis XV, qui était d'origine polonaise. Et puis on verra ensuite arriver alors une déferlante de sapins de Noël au moment de l'occupation prussienne de 1870. Ça aurait dû nous dégoûter à tout jamais, mais pas du tout, parce qu'on a dû trouver tout simplement que c'était très beau, très lumineux, très chaleureux, ces sapins de Noël. Bon, Bonjour Elena Mordin. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la mission des experts européens, c'est de sauver 10 000 vies par an grâce à quelques gestes simples de premier secours. Comment réagir par exemple en cas d'étouffement, de brûlure, de malaise cardiaque ou encore de chute? Eh bien, on va apprendre tous ces gestes qui sauvent pendant une heure. J'attends vos questions, vos témoignages au 3921 ou sur europe1.fr, Franck. Merci beaucoup Elena. Puisque j'ai une seconde, je cite un très bel ouvrage concernant l'Indochine. Ce sont les mémoires du prince Michel de Bourbon-Parme. Ça s'appelle Un prince dans la tourmente et c'est tout simplement édifiant. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain Céline. À demain Franck. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire.